au nom de la Société de leucémie et lymphome du Canada, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette conférence par web émission. Permettez-moi de me présenter. Je suis Carole Murphy, directrice des services aux patients pour la Société du chapitre de Montréal qui dessert la province du Québec. Avant de vous présenter notre conférencier invité de ce soir, il est nécessaire de prendre quelques minutes afin de vous transmettre certaines informations en lien avec l'événement. Une période de questions suivra la conférence du Dr Lemieux. Toute question doit être écrite dans le carré ainsi désigné à droite au bas de votre écran. Gardez en tête qu'il est possible que nous recevions plusieurs questions similaires. Dans ce cas, une question sera formulée et adressée à Dr Lemieux. Il est important de ne pas oublier de remplir le questionnaire des services aux patients. Les réponses recueillies seront instrumentales dans le développement des services aux patients futurs. Maintenant, c'est avec grand plaisir que je vous présente Dr Bernard Lemieux, hématologue-oncologue au CHUM Notre-Dame de Montréal. Dr Lemieux a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Montréal en 1996. Il a fait ses résidences en hématologie-oncologie à l'Université de Montréal, un fellowship clinique sur les syndromes lymphoprolifératifs de l'adulte à l'hôpital de Lyon-Sud à Lyon en France. Dr Lemieux est responsable de l'équipe des tumeurs hématologiques du CHUM, responsable de la clinique des syndromes lymphoprolifératifs au CHUM. Dr Lemieux est président du comité de la MOC, donc c'est l'Association des médecins hématologues-oncologues du Québec, du comité de développement professionnel continu. Cette session éducative est rendue possible grâce à une subvention sans restriction de la compagnie Roche. Voici maintenant Dr Bernard Lemieux. Merci Mme Murphy. Donc, bonjour à tous. Je voudrais remercier la Société Leucémie Lymphome Canada de me donner l'opportunité de vous présenter ce soir. Donc, vous allez voir, la présentation de ce soir a divers objectifs, mais ce que j'aimerais que vous puissiez en retirer suite à cette conférence, c'est que d'essayer de répondre aux questions que les membres de la famille peuvent se poser, des questions qu'on prend pas nécessairement toujours le temps de poser aux médecins ou aux divers intervenants de la santé, des fois parce qu'on n'a pas de temps, des fois parce qu'on est gêné. Et donc, ce que j'aimerais ce soir, c'est faire un survol de tout ce qui a un rapport avec les lymphomes, donc les lymphomes de l'adulte, et d'essayer de répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées. Donc, vous allez voir, on va discuter de différentes choses en rapport avec les lymphomes. Je vais vous faire quelques généralités. Ensuite, je vais vous parler un peu de la prise en charge, comment un patient doit être abordé avec cette maladie-là, en essayant de vous parler des deux principaux lymphomes, c'est-à-dire le lymphome non Hodgkinien et le lymphome Hodgkinien. On va parler un peu de traitement. Concernant le traitement, vous allez voir, je vais parler plutôt de généralité. Même dans les questions, je vais essayer de m'en tenir à des généralités, étant donné que ça prend de l'information très, très, très précise pour être capable de décider un traitement pour un patient. Et donc, j'espère que toutes ces informations vont vous être très utiles. Je vous encourage à poser des questions. Au fur et à mesure que les questions vont apparaître, j'ajusterai un peu la conférence, mais je vais tenter de répondre à toutes vos questions à la fin de la conférence. Et donc, de pas hésiter à formuler des questions. Je pense que le fait de pouvoir poser des questions, là, ça facilite l'interaction, puis ça se donne souvent des réponses là, qui sont très utiles et qui sont parfois pas abordées directement dans la présentation. Donc, qu'est-ce qu'il en est des lymphomes? Donc, vous voyez ici, c'est des chiffres qui sont rapportés là, par Statistique Canada sur la présence d'un nouveau cas de cancer au Canada. Ce qu'on peut voir, c'est que les lymphomes, de façon générale, représentent le cinquième cancer en incidence. Donc, on suit les cancers du poumon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer colorectal. Donc, cela représente environ 7500 nouveaux cas de cancer. Donc, si on calcule toute la population là, qui année après année de nouveaux cancers, on peut facilement imaginer là, que le nombre total de patients ayant souffert ou souffrant d'un lymphome au Canada est très, très, très important. qu'est-ce qu'il y en est de l'incidence? Vous voyez sur ce graphique qui est tiré encore une fois là de Statistique Canada, mais c'est là de Statistique Canada en 2001. Ce qu'on peut voir, c'est que l'incidence depuis les 30 dernières années que vous voyez dans la colonne verte, il y a une augmentation d'année après année du nombre de cas de lymphome nouvellement diagnostiqués. On s'explique mal cette augmentation puisque dans d'autres types de tumeurs, on observe plutôt le contraire, une diminution. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a probablement le fait qu'on diagnostique mieux les lymphomes en 2009. Il y a probablement des entités qui n'étaient pas reconnues comme des lymphomes à l'époque qui le sont maintenant. Il y a aussi, on pense, le rôle de l'environnement qui fait qu'on est probablement un petit peu plus à risque de faire des lymphomes. Donc, comparativement à certaines formes de cancer, il y a toujours actuellement une augmentation de l'incidence. De façon intéressante, quand vous comparez ça avec le graphique, la portion orange du graphique, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la mortalité ne suit pas la même direction. C'est-à-dire qu'il semble que, bien que l'incidence augmente, la mortalité est plutôt stable, ce qui est bon signe, ce qui veut dire, dans le fond, que nos traitements sont efficaces et qu'on est capable, malgré l'importance de la quantité de gens atteints de cette pathologie, on est capable d'avoir de bons résultats. Qu'est-ce que ça représente? Donc, vous avez ici exprimé de façon différente là, le risque de développer différents cancers dans une vie. Encore une fois, vous avez presque une chance sur 2 à 2,5 de développer un cancer dans une vie, ce qui est la barre rouge. Vous avez de façon spécifique pour chacun des cancers les plus fréquents le risque de développer ces cancers-là. Donc, vous pouvez voir, là, on dit que le cancer du sein, qui est dans la zone bleue, on dit que c'est une chance sur 8 à une chance sur 9. Donc, pour ce qui est des lymphomes, on dit que c'est une chance sur 25, donc environ 4% de chance sur une vie de développer ce type de tumeur. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant de l'impact sur la vie des gens, sur la mortalité? Vous avez ici, encore une fois, les décès reliés au cancer au Canada en 2006. Je vous invite à regarder tout particulièrement les décès reliés au lymphome non-Hodgkinien qui représentent 4,4% des décès reliés en cancer. Quand on regarde par les lymphomes de Hodgkin au bas du graphique, ce qu'on peut voir, c'est que ça représente juste 0,2% des décès en cancer au Canada. Aussi représente bien la réalité. La maladie de Hodgkin est une maladie qui se traite bien, pour laquelle on guérit une bonne majorité de patients, ce qui fait que ça entraîne peu de décès. C'est pas tout à fait la même chose pour les lymphomes non-Hodgkiniens, où malheureusement, la mortalité due à la maladie est beaucoup plus élevée. On est quand même loin, comme vous pouvez le voir sur le graphique, des taux de mortalité reliés aux cancers les plus fréquents, comme vous avez ici le cancer du poumon, du rectum et de la prostate, qui sont les plus grands tueurs en cancer ici au Canada. Donc, il est difficile de conceptualiser, parfois quand on essaie de comprendre c'est quoi un lymphome, c'est parfois difficile. Quand on parle d'une tumeur du sein, quand on parle d'une tumeur du côlon, on imagine facilement d'où cette tumeur-là vient et quel tissu elle atteint. Quand on parle d'une tumeur du sein, c'est des cellules du sein qui sont malades, et après ça, il y a les répercussions qui s'ensuivent. Mais qu'est-ce qu'il en est du lymphome? Dans le langage populaire, le lymphome, c'est la tumeur des ganglions. Mais qu'est-ce qui est la cellule réellement malade? On va dire que c'est la tumeur de l'organe lymphoïde, mais la cellule malade, c'est le lymphocyte. Le lymphocyte qui est un des sous-types de globules blancs. Et donc, les lymphocytes participent à la réaction immunitaire. Il en existe de deux sortes. Il y a les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et donc, le lymphome, c'est vraiment la tumeur du lymphocyte. Pourquoi de façon privilégiée au niveau des ganglions? Ben, le lymphocyte, de façon normale et usuelle, se cache ou habite le ganglion. Donc, il est tout à fait normal que lorsqu'il deviendra malin, le même lymphocyte produira de façon privilégiée des tumeurs au niveau des ganglions. Donc, se souvenir, c'est très important, parce que ce ne sont pas toutes les tumeurs des ganglions qui sont des lymphomes, mais de façon préférentielle, le lymphome se situe au niveau des ganglions. il est important de mentionner aussi qu'étant donné que le lymphocyte se rencontre dans tous les organes du corps, le lymphome peut potentiellement aussi atteindre n'importe quel organe du corps, que ce soit le foie, le rein, le cerveau, le poumon. Donc, il n'y a pas réellement de limite à le nombre d'organes atteints. L'autre chose importante qui était à mentionner, c'est qu'on ne parlera pas, comparativement aux tumeurs du sein, aux tumeurs du poumon, de ce qu'on appelle une maladie métastatique, étant donné que le lymphocyte peut se promener et peut être dans n'importe quel organe, on n'utilisera pas le langage métastatique. En lymphome, ceci n'existe pas. On parlera d'un lymphome qui atteint le poumon ou un autre organe. Donc, d'où viennent les lymphocytes? Donc, comme je vous disais, le lymphocyte, c'est la partie droite du schéma ici. Le lymphocyte est un globule blanc. C'est un globule blanc qui origine de la cellule souche dont tout le monde parle. Donc, la cellule souche des cellules hématopoïétiques, donc c'est-à-dire des cellules du sang. La cellule souche va donner les différents composés du sang, que ce soit les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, et de façon, va produire aussi les différents lymphocytes, que ce soit T ou B. Donc, c'est une maladie qui est classée, les lymphomes, dans les maladies du sang parce qu'ils originent de cette cellule souche qui produit toutes les cellules du sang ou hématopoïétiques. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Pourquoi fait-on des cancers? Ici, vous avez un graphique qui vous exprime de façon globale qu'est-ce que sont les causes de cancer actuellement reconnues. Les causes les plus fréquentes, vous les voyez ici selon ce diagramme en portions de temps. Et on pense que les facteurs les plus importants pour tout cancer confondu sont la diète, 34%, le tabac, 29%, et les infections, 10%. Il existe d'autres causes, que ce soit l'environnement, que ce soit l'occupation que vous faites. Et vous remarquerez que l'hérédité dans les cancers en général compte pour entre au plus 5 à 10% des causes de cancer. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant de façon plus spécifique pour les lymphomes? La majorité des lymphomes, on ne connaît pas la cause exacte. C'est probablement une interaction entre l'environnement, une certaine susceptibilité génétique qui font qu'un jour, on va développer ce genre de maladie. Il existe par ailleurs des pathologies pour lesquelles il est reconnu prédisposé à certains lymphomes, certains syndromes lymphoprolifératifs. De ces maladies, on retiendra des maladies rares du système immunitaire qui prédisposent principalement des lymphomes en bas âge. Il y a l'immunosuppression chronique, donc c'est-à-dire l'utilisation de médicaments puissants pour mettre le système immunitaire le plus tranquille possible. Et ça, on rencontre particulièrement ça chez les gens qui reçoivent des greffes d'organes ou des greffes de moelle. Donc, le fait de mettre le système immunitaire très tranquille peut prédisposer à l'apparition de lymphome. Certaines maladies auto-immunes, ici on pensera à l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Sjögren, certains lupus, vont augmenter le risque de lymphome, mais ça de manière quand même là, l'intensité de l'augmentation est quand même très faible. On notera certaines expositions à certains pesticides, certains médicaments, entre autres, tout ça relié à l'utilisation là, pour empêcher les rejets dans le cadre de la greffe. Ce qui est le plus reconnu, je vous dirais, pour étant comme cause de lymphome, c'est toutes les infections virales chroniques. Le VIH, entre autres, où certains types de lymphomes peuvent avoir 1000 fois plus de chances de se présenter dans un contexte de VIH que dans un contexte non-VIH. L'hépatite B, l'hépatite C, qui sont associés à différents lymphomes. Le virus, l'EBV, ou les virus d'Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose, qui est reconnu comme étant, dans certaines situations, un mécanisme possible là, pour développer un lymphome. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il existe des pathologies qui peuvent prédisposer. L'augmentation de la prédisposition dépend de nos facteurs de risque, mais dans la majeure partie des cas, dans les patients qu'on rencontre au jour le jour, on n'est pas capable d'identifier nécessairement quelque chose pour dire on fait un lymphome pour telle raison. Donc, c'est probablement quelque chose de multifactoriel. Et en ce sens-là, il est difficile d'avoir des méthodes pour essayer de prévenir tout ça. Donc, dans la prochaine partie de la conférence, ce que je vais tenter de vous faire, c'est de vous exprimer un peu qu'est-ce qui est le cheminement, comment on doit approcher les patients avec des lymphomes. Donc, on va passer à travers les différentes étapes que le patient et que sa famille vivent au jour le jour quand on va rencontrer le médecin, quand les symptômes apparaissent. Et donc, vous allez voir, le plan de la présentation va suivre cette diapositive. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de symptômes. Ensuite, on va parler de diagnostic, c'est-à-dire comment se fait le diagnostic, quel peut être le diagnostic. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le staging. Vous me permettrez d'utiliser cette expression anglaise qui décrit exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire l'évaluation complète, l'étendue de la maladie. On va parler de traitement, de plan de traitement en restant dans les généralités. Puis finalement, on va aborder le suivi au long cours des patients. Donc, quels sont les symptômes et qu'est-ce qui est la présentation clinique? Qu'est-ce qui va amener quelqu'un à se présenter à un médecin ou à dire « Oups, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il faut que ça soit évalué. » Donc, se rappeler que plusieurs patients sont complètement asymptomatiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir où c'est une découverte fortuite lors d'un examen annuel. Donc, on n'a pas nécessairement de symptômes lors de l'apparition d'un lymphome. C'est une maladie qui est très, très, très rarement détectée par prise de sang. Donc, même si votre médecin de famille, à toutes les années, vous fait une prise de sang, ceci ne voudra pas dire qu'on détectera de façon plus précoce ces cancers-là, puisque, dans la majeure partie des cas, encore une fois, il n'y a pas de répercussion au niveau des différentes prises de sang de l'apparition de ces maladies. Ce qui demeure le symptôme le plus fréquemment rencontré, c'est l'augmentation de la taille d'un ganglion, que ce soit au niveau du cou, d'un aisselle, d'un nerf. C'est ce qu'on voit le plus fréquemment. C'est-à-dire, le patient se présente, consulte, demande à un médecin d'être vu à cause qu'il y a un ganglion qui augmente de volume et de volume important. À l'occasion, on peut voir ce qu'on appelle les symptômes reliés à la localisation du ganglion. On peut imaginer qu'un ganglion mal placé au niveau d'une jambe, au niveau d'un cou, va causer de la douleur ou va comprimer un organe, ce qui fait que ça va pouvoir entraîner d'autres symptômes au-delà juste du fait que le ganglion est augmenté de volume. Il y a certains patients qui vont présenter ce qu'on appelle les symptômes constitutionnels, qui sont les symptômes, je vous dirais, cardinaux des lymphomes, que l'on peut voir à l'occasion, qui ne sont pas toujours présents, mais dont vous allez voir, les médecins ont tendance à s'informer, à savoir si le patient a ces symptômes, puisqu'ils peuvent être, comme on dit, annonciateurs ou souvent associés aux différents types de lymphomes. Mais quels sont-ils, ces lymphomes? Ben, c'est une histoire de perte de poids non volontaire. La perte de poids doit être par ailleurs significative pour qu'on commence à la considérer. On dit qu'habituellement, une perte de poids de 10 % sur une période de 6 mois doit être considérée comme significative. On mentionne ensuite ce qu'on appelle les sudations nocturnes. C'est le fait d'avoir chaud la nuit. Quand je dis chaud, c'est pas simplement enlever les draps et mettre un peu plus l'air climatisé. Les patients vont nous rappeler qu'ils mouillent leur lit. Ils peuvent enlever leur chandail. Il y a une expression en anglais qui exprime bien ce qu'on veut dire par sudation nocturne profuse, drenching sweat, c'est-à-dire que les patients peuvent enlever leur chandail et le torse, il y aura presque de l'eau qui va couler. Donc, ça prend des sudations qui sont très, très, très importantes. La température peut être aussi un symptôme annonciateur, une température qui revient à bas bruit sur une longue période de temps a été rapportée dans certains lymphomes. Le prurite, la sensation de grattage, qui est souvent associée au lymphome de Hodgkin. Et finalement, un autre symptôme un peu inhabituel qui est rencontré moins fréquemment, c'est la douleur au niveau des différents ganglions lors de la prise d'alcool. Ce symptôme se rencontre rarement, mais il est décrit dans tous les livres, tout particulièrement chez les gens qui sont porteurs de lymphome de Hodgkin. Donc, ces symptômes-là, ici, donc les 5 symptômes dont je vous ai parlé ici, peuvent être annonciateurs, mais peuvent être aussi non présents, dépendamment du patient. Qu'en est-il maintenant des ganglions? Donc, on parlait tout à l'heure que souvent le patient va se présenter pour des ganglions qui ont augmenté de volume. Vous avez ici sur ce petit schéma les différentes aires ganglionnaires, c'est-à-dire les différentes régions de ganglions qui peuvent augmenter dans le cas de certains lymphomes, vont marquer qu'en vert, ce sont les différents ganglions qui sont palpables ou qui vont être, qu'on va pouvoir toucher dans le cas d'augmentation. Donc, vous avez les ganglions du cou, la région sous le menton, les régions près des clavicules, les aisselles, et ainsi que les hommes. Vous voyez qu'il n'y a pas juste des ganglions à ces endroits-là, il y aura des ganglions au niveau de la portion thoracique près du cœur ou du poumon qu'on appelle la région médiastinale. Ces ganglions ne se palpent pas, donc il peut arriver qu'on ait des ganglions à cet endroit qui augmentent de volume de façon importante sans que le patient s'en rende compte. Même chose au niveau de l'abdomen. Tous ces points sont importants puisque si dans ce s'il s'agit d'un lymphome, on peut ne pas nécessairement l'identifier avec une prise de sang. On le sentira pas nécessairement parce qu'il est dans une région où les ganglions se palpent pas. Donc, encore une fois, le lymphome peut être complètement asymptomatique. Et c'est pour ça qu'il faut faire nos rendez-vous annuels pour faire notre suivi, là, ce que toute personne doit faire auprès de son médecin de famille. Donc, une fois les symptômes, qu'est-ce qu'il y en a de l'évaluation initiale réalisée par le médecin ou les différents intervenants du milieu médical? Je pense que l'évaluation initiale comporte deux points particuliers. Premièrement, il faut déterminer le type de lymphome, puisqu'il y a différents types de lymphomes, comme on va le voir un peu plus loin, et que selon le sous-type, un traitement sera appliqué, donc ce ne sont pas tous les lymphomes qui se traitent de la même manière. Donc, je vous dirais que dans l'évaluation initiale, la première chose la plus importante, c'est de déterminer le type, c'est-à-dire à quelle maladie on a affaire. La deuxième chose, c'est d'identifier le stade de la maladie, c'est-à-dire l'étendue de la maladie. Quand on va combiner l'information obtenue sur le type et sur le stade de la maladie, ou c'est-à-dire l'étendue, on va pouvoir à ce moment-là déterminer un plan de traitement qui est adéquat et qui va s'adapter au patient. Donc, la première chose qui doit être faite et qui doit être pas négligée par le médecin que vous rencontrez, c'est la visite initiale, c'est-à-dire apprendre à connaître le patient. On a besoin, pour bien connaître le patient puis voir les répercussions de la maladie sur le patient, de connaître ses antécédents. Encore une fois, on va tenter d'aller chercher parce qu'il y a certaines maladies qui pourraient être prédisposées à l'apparition de lymphome. Est-ce qu'il y a certaines maladies qui pourraient rendre le traitement plus difficile? Donc, ce sont toutes des informations qui sont très, très importantes, raison pour laquelle, quand ces questions vous sont posées par le médecin, il faut absolument être le plus détaillé possible. Ensuite, le médecin tâchera de savoir la médication qui est prise, ainsi que les allergies. Encore une fois, très important pour éviter éventuellement les interactions médicamenteuses, puis éviter de donner une médication pour laquelle un patient pourrait être allergique. Les habitudes de vie. Ici, j'entends par habitude de vie la consommation de tabac, la consommation d'alcool, la consommation de drogue, qui peuvent avoir un impact sur la capacité du patient à recevoir certains traitements. Je donnerai comme exemple quelqu'un qui a un éthylisme ou qui a un alcoolisme avancé pourra avoir des problèmes hépatiques qui rendront, entre autres, difficile l'administration de certains médicaments. Des gens qui auraient pris certaines drogues sont plus à risque, entre autres, de faire certaines infections qui pourraient, encore une fois, rendre plus difficile le traitement. Donc, ce sont toutes des questions qui sont bien importantes pour avoir une vue d'ensemble du patient, c'est-à-dire la prise en charge initiale du patient. Et finalement, le médecin va s'informer des symptômes. À partir des symptômes, le médecin va être capable d'identifier certains organes atteints et d'orienter de façon plus adéquate son investigation. Finalement, toute bonne évaluation initiale se termine par un examen physique détaillé qui va permettre au médecin de façon rapide d'avoir une idée de l'étendue de la maladie. La première chose, comme je vous disais, c'est d'obtenir un diagnostic. Ce ne sont pas tous les lymphomes qui sont équivalents. Donc, il faut obtenir une biopsie, c'est-à-dire un spécimen d'un ganglion ou un spécimen d'un organe atteint afin qu'on puisse identifier le sous-type de lymphome de façon précise. De façon générale, ce qu'on demande, c'est le plus utile pour le pathologiste qui va regarder le spécimen biopsique, c'est d'obtenir une chirurgie, une exérèse, c'est-à-dire une biopsie ganglionnaire. Habituellement, ce qu'on demande aux chirurgiens, c'est d'enlever tout tout le ganglion ou un gros morceau de ganglion afin que le spécimen soit représentatif et soit suffisant pour permettre toutes les analyses. Malheureusement, c'est pas dans tous les cas où l'exérèse par chirurgie est possible. On peut imaginer là, des ganglions cachés dans le ventre, dans le thorax, où on va essayer d'utiliser des techniques moins invasives et qui ne demandent pas nécessairement une chirurgie. Donc, à ce moment-là, on va avoir recours à ce qu'on appelle des biopsies sous guidage radiologique, que ce soit sous scanner où on prend la photo, on identifie la région à biopsier et ensuite on biopsie avec une aiguille creuse. Il est certain qu'on favorise l'exérèse complète des ganglions, l'exérèse du tissu, mais dans le cas où malheureusement c'est pas possible, la biopsie sous guidage radiologique est sûrement une alternative intéressante. Donc, qu'est-ce qu'il y en est une fois qu'on a obtenu ce spécimen? Le pathologiste, c'est-à-dire la personne qui regarde la biopsie au microscope, va tenter de classifier selon la classification internationale, la WHO ou l'OMS en français, qui est l'Organisation mondiale de la santé, va essayer de classifier selon certains critères à quel type de maladie on a affaire. Le pathologiste va se baser sur l'image du ganglion en histologie, c'est-à-dire quelles sont les cellules malades. Il va se baser aussi sur ce qu'on appelle l'immunophénotype, c'est-à-dire un peu l'identité de la cellule. Finalement, dans certains cas, on pourra avoir recours à certains tests génétiques pour identifier certains gènes malades. Et finalement, la clinique, le questionnaire peut aider aussi classifier. L'avantage de cette classification-là, c'est le fait qu'il y a une certaine homogénéité, qu'on se sert de plusieurs éléments pour arriver à un diagnostic. Vous avez ici, je vous ai mis un exemple de biopsie, ainsi qu'un exemple des différents examens qu'un pathologiste peut demander pour arriver à ses fins. Dans le haut à gauche, sous le titre, vous avez une biopsie d'un ganglion où on voit des formes nodulaires. Ça représente donc une architecture nodulaire ou folliculaire qui est rencontrée dans certains lymphomes non-Hodgkiniens. Et dans le cas que je vous présente ici, vous avez un lymphome folliculaire. Ces mêmes régions rondes folliculaires, quand on les colore avec certains anticorps spécifiques, il arrivera des taches brunes comme ça qui nous permettront de dire certaines caractéristiques de ce lymphome. Dans le cas présent ici, la coloration a été faite avec un anticorps qui identifie une protéine, qui est le BCL2, qui est caractéristique ici dans le cas des lymphomes folliculaires. Quand on regarde à plus haut grossissement, c'est-à-dire sur la portion droite, donc la troisième image à droite, où on voit tous des petits points noirs, des petits points bleus. Donc, tous ces petits points représentent des lymphocytes. Donc, ça nous permet de dire, ça permettra au pathologiste d'en arriver à un diagnostic. Et donc, il pourra dire à la lumière de tous ces petits lymphocytes qu'il s'agit d'une tumeur à petits lymphocytes. Il y a certaines caractéristiques à cause des colorations. Donc, il sera BCL2 positif. Et l'analyse génétique dans le cas présent nous permettra de voir qu'il y a une anomalie de deux chromosomes, des chromosomes 14 et 18, qui nous permettront d'arriver à un diagnostic précis dans le cas présent, un lymphome folliculaire. Donc, c'est toute cette information qu'on va chercher à partir de la biopsie qui nous permet d'aller un petit peu plus loin et de savoir qu'est-ce qu'il y en est avec et quel sous-type de lymphome. Donc, rapidement, dans les tumeurs lymphoïdes, encore une fois, dans les tumeurs qui originent des lymphocytes, il existe 5 grandes maladies. Vous les avez ici réparties. La plus prédominante, c'est le LNH ici, donc le lymphome non-Hodgkinien qui représente environ 63% des cas. Vous avez une maladie qui s'appelle aussi le myélome qui représente 16% des cas. Dans le cas du myélome, la cellule malade s'appelle un plasmocyte. Le plasmocyte est un lymphocyte qui a grandi et qui maintenant est capable de produire les anticorps qu'on retrouve normalement dans le corps. Vous avez un autre type de maladie qui est la LLC, qui est la leucémie lymphoïde chronique, le Hodgkin, et finalement, une maladie beaucoup plus rare chez l'adulte et fréquente chez l'enfant, la leucémie aiguë lymphoblastique. Donc, toutes ces tumeurs sont d'origine lymphoïde et la biopsie nous permet de les sous-classifier. On retiendra donc dans les lymphomes, il y a deux types principaux, les deux types étant le lymphome non-Hodgkinien, qui représente, comme on disait, une grande majorité de tous les lymphomes, soit 85% de tous les lymphomes. On les classe habituellement en B ou en T. Dans le monde occidental, en Amérique du Nord, la majorité des patients ont des lymphomes B. Ça représente environ 85 % des lymphomes. Il y a juste 15 % des lymphomes en Occident qui sont T. C'est un peu le contraste. Si vous allez en Asie, on pense que c'est probablement d'origine environnementale ou génétique. Mais en Asie, on retrouvera beaucoup plus de lymphomes T que de lymphomes T. La deuxième sous-type de lymphome est le lymphome Hodgkinien, qui est une maladie beaucoup plus rare, qui représente cette fois environ 10 à 15 % de tous les cas de lymphome. Qu'est-ce qui en est dans les généralités des lymphomes non Hodgkinien? Donc, on dit que ça représente entre 6 et 7 000 nouveaux cas par année, que ça représente 3 000 décès. La distribution, on peut faire un lymphome non Hodgkinien à tout âge, mais il semble y avoir une augmentation de l'incidence plus qu'on avance en âge. C'est une tumeur qu'on rencontre principalement chez les hommes. Et le pic d'âge où on rencontre cette maladie, c'est entre 55 et 65 ans. Encore une fois, comme je vous disais, les lymphomes B se rencontrent plus fréquemment en Occident et les lymphomes T plus fréquemment en Asie. Qu'est-ce qui est la cause de façon plus caractéristique des lymphomes non Hodgkiniens? On pense que c'est surtout des facteurs environnementaux, que ce soit des virus, des expositions à certains produits et certaines maladies. La composante familiale est peu importante et augmente le risque simplement de 3 à 4 fois quand on a quelqu'un de diagnostiqué dans sa famille. Les lymphomes non Hodgkiniens représentent environ une soixantaine d'entités différentes pour lesquelles le pathologiste doit nous renseigner, puisque chacune de ces entités-là se traiteront de façon différente. Les deux principales entités sont le lymphome diffus à grande cellule B, qui représente 31% de tous les cas de lymphome non Hodgkinien en Occident, et 22% d'un lymphome qu'on va appeler le lymphome folliculaire. Tous les autres lymphomes se rencontrent de façon beaucoup moins importante. Dans les plus connus à part ça, on pourra parler du lymphome du manteau, le lymphome de la zone marginale et le lymphome lymphoplasmocytaire. Donc, avec ces 5-6 lymphomes-là, vous avez les lymphomes non Hodgkiniens les plus fréquemment rencontrés en clinique. Quand tous ces lymphomes-là ont été classifiés selon une nouvelle classification, donc la classification de l'OMS. Et de façon générale, l'approche des lymphomes se base encore sur une ancienne classification qui avait tendance à classer les lymphomes selon le fait qu'ils soient indolents, agressifs ou très agressifs. Pourquoi c'est important? Pourquoi on les classe encore comme ça? Parce que les lymphomes indolents vont avoir certaines caractéristiques et certains types de traitements. Le lymphome agressif va en avoir d'autres. Le lymphome très agressif va en avoir d'autres. Donc, de façon générale, quand on voit un patient avec un lymphome, on essaie d'identifier ce qui est plus indolent, agressif ou très agressif. Comme ça, ça va nous permettre de déterminer le traitement. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du lymphome à grande cellule, qui est un lymphome agressif, et le lymphome folliculaire, qui est un lymphome qui est l'archétype, si vous voulez, du lymphome indolent. Donc, rapidement, sur le lymphome diffus à grande cellule, 25% des lymphomes non Hodgkiniens, l'âge médian, c'est-à-dire l'âge où on rencontre le plus de cas, autour de 64 ans. La majorité des gens ont des stades qu'on va dire avancés. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment on identifie le stade. C'est une maladie qui est curable. Donc, l'objectif de traitement, quand le médecin vous parlera d'un traitement pour un lymphome diffus à grande cellule, c'est vraiment la cure et on guérit entre 50 et 60 de tous les patients. Pour ce qui est du lymphome folliculaire, celui qu'on disait plutôt indolent. Indolent ici ne veut pas dire que c'est pas dangereux parce que c'est bien important de comprendre que ça reste des cancers. C'est plutôt les propriétés. Quand on parle d'un lymphome indolent, on peut facilement imaginer quelqu'un qui ne sera pas traité pendant plusieurs mois, plusieurs années et que ça n'aura pas nécessairement d'impact sur sa vie. Quand on parle d'un lymphome agressif, si on ne traite pas un patient après plusieurs mois, il peut arriver des complications qui pourraient amener jusqu'au décès. Donc, c'est vraiment dans la présentation, la qualification. Donc, indolent ne veut pas dire bénin, mais plutôt qu'il y a une vitesse d'évolution qui est plutôt lente. Donc, ça représente 20% des lymphomes non Hodgkiniens. Donc, l'âge médian est autour de 60 ans. La majorité des patients ont un stade avancé. Et c'est une maladie qui est incurable. Donc, bien qu'il existe beaucoup de traitements disponibles, aucun de ces traitements-là permettront de façon générale d'obtenir une cure. Et on dit que la survie moyenne des gens, la survie médiane, peut aller de 10 à 12 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y en est maintenant de notre autre lymphome, le lymphome hodgkinien? C'est une maladie beaucoup plus rare. On dit que c'est moins de 1000 cas par année au Canada. Beaucoup moins de décès. Donc, c'est une maladie qui est curable et avec des bonnes chances de guérison. Il y a une distribution qui est bimodale, c'est-à-dire qu'on a un pic d'incidence dans les âges du jeune adulte, donc c'est-à-dire entre 15 et 35 ans. Il y aura un deuxième pic où les gens peuvent développer ce type de lymphome plus vers l'âge de 60-65 ans. On pense que les facteurs de prédisposition familiale sont peu importants. Encore une fois, les facteurs environnementaux ici sont très, très, très importants. Et dans plus de 50% des lymphomes hodgkiniens, on va pouvoir retrouver, entre autres, le virus de Epstein-Barr. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est associé dans certains, qui est le virus de la mononucléose, qui, dans certains cas, peut aller jusqu'à Hodgkin, mais c'est un des événements qui sont très, très rares. Donc, vous avez ici ce que voit un pathologiste et qui est caractéristique du lymphome de Hodgkin. Si cette cellule-là n'existe pas, le lymphome de Hodgkin ne peut pas être diagnostiqué. Donc, vous avez cette cellule de Reed-Sternberg, qui est une cellule caractérisée en yeux de hibou. Pour qui est, on ne peut pas faire un diagnostic de lymphome de Hodgkin sans avoir cette cellule au niveau des spécimens pathologiques. Il existe principalement cinq formes de lymphome de Hodgkin. On va dire les formes classiques, c'est-à-dire nodulaire sclérosant, prédominance lymphocytaire, déplétion lymphocytaire ou cellularité mixte. Qu'on ait une de ces différentes formes-là, ça a peu d'importance, le traitement va être à peu près le même. Il existe une autre forme qui est nouvelle dans la nouvelle classification, qui est le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, qui de plus en plus est traité de façon différente que la forme classique. Donc, qu'est-ce qu'il y en est maintenant? On a fait notre biopsie, on a obtenu le sous-type de lymphome. Une fois qu'on a obtenu le sous-type, la prochaine étape, c'est vraiment d'obtenir l'étendue de la maladie, c'est-à-dire les différents, donc la réalisation de différents examens pour faire ce qu'on appelle le staging ou le bilan d'extension. Donc, votre médecin va devoir réaliser différents examens pour connaître l'étendue de la maladie. Dans ces différents examens, on notera certains prélèvements de sang. On notera ce qu'on va appeler l'imagerie médicale, c'est-à-dire une imagerie qui nous permet d'identifier dans des régions qui ne sont pas nécessairement accessibles à l'examen physique, donc nous permettent de voir où est-ce qu'il y a de la maladie alors que ce n'est pas accessible. Je vais revenir sur cette méthode d'imagerie. Il y a deux modalités principales, ce qu'on va appeler les scanners ou les tomodensitométries. Donc, qui sont les radiographies et des imageries qui est plus maintenant fonctionnelle, qui est le PET scan sur lequel on va revenir. Toute évaluation de lymphome doit passer par une biopsie de moelle. Et finalement, il y aura différents autres tests, qui pourront être réalisés selon les symptômes du patient. C'est-à-dire, si on présente certains symptômes, on pourra orienter notre évaluation de façon plus spécifique. Entre autres, si vous avez quelqu'un qui a des douleurs à l'estomac, on pourrait être tenté de faire des endoscopies pour aller voir s'il y a de la maladie au niveau de l'estomac. Donc, dans les différentes modalités, le CT scan occupe une place très, très importante. Donc, c'est un appareil de radiographie spécialisée qui nous permet, comme vous l'avez sur l'image du bas, d'obtenir des images de l'intérieur du corps. Et ça nous permet d'identifier donc des ganglions qui ne sont pas nécessairement palpables. Ici, vous avez une image d'un ganglion, donc d'un thorax, où on voit dans le milieu une portion joufflue plutôt grise qui nous permet d'identifier donc un ganglion important au niveau de la région du médiastin qui peut être entre autres caractéristique des lymphomes de Hodgkin. Donc ici, vous avez une modalité d'investigation qui est vraiment anatomique, c'est-à-dire on identifie un ganglion malade dans une région en particulier. Ici, vous avez un exemple de ce qu'on appelle une biopsie de moelle. La biopsie de moelle, donc, nous permet d'identifier ou d'aller rechercher la présence d'une maladie au niveau de la moelle osseuse. C'est très important puisque les lymphocytes qui composent le lymphome ont tendance à aller se cacher au niveau de la moelle. Donc, de façon générale, une biopsie de moelle sera faite pour tous les patients atteints de lymphome. Ici, vous avez un exemple d'une biopsie qui est faite au niveau du bassin. Donc, la biopsie de moelle ou l'aspiration de moelle peut être faite au niveau du bassin dans la région postérieure, dans la région antérieure. Cet examen médulaire-là peut être aussi réalisé au niveau du sternum et rarement chez l'enfant au niveau des membres inférieurs. Donc, le but de l'examen est vraiment d'obtenir un spécimen de la moelle pour voir s'il y a un envahissement de la moelle de lymphocytes. C'est un examen qui est un peu douloureux qui se fait habituellement sous anesthésie locale et pour lequel un patient, une fois l'examen réalisé, peut retourner à la maison. Il n'y a pas, à part certains cas où le sang est éclairci pour d'autres raisons, il n'y a pas réellement de contre-indication à faire cet examen-là. De façon générale, encore une fois, les gens vont sentir au moment où on fait la biopsie et rapportent une sensation douloureuse au moment de la réalisation de l'examen. Finalement, je ne pourrais pas passer sous silence le TEP scan, qui est la nouvelle modalité de recherche au-dessus du bilan d'extension. Le TEP scan, c'est une nouvelle modalité d'imagerie qui est basée sur le fait que la tumeur a tendance à absorber plus de sang que les organes normaux. Donc ici, vous avez une image d'un TEP scan qui a été fait dans la portion de gauche avant le traitement, où on voit plusieurs petits points blancs qui représentent dans le fond un ganglion qui a capté du glucose radio marqué. Donc le but de l'examen, c'est qu'on injecte du glucose avec une particule radioactive et lorsqu'elle est absorbée par la tumeur dans les ganglions, cette substance radioactive va faire une image, si vous voulez, une image sur le film et ça va nous permettre d'identifier les régions de manière autre que le scan. Donc l'exemple que je vous montre, vous avez à votre gauche pré-traitement. Donc dans toute la partie abdominale, il y a du blanc. Ça représente la captation par la maladie. Et une fois traité sur l'examen de droite, on reste juste avec deux principales captations blanches, c'est-à-dire une pour la vessie alors que le produit est éliminé et le cœur finalement qui capte toujours plus. Donc le résultat de l'examen ici nous permettrait de dire que le patient a bien répondu à son traitement. Donc c'est une nouvelle modalité de traitement qui n'est pas nécessairement disponible partout mais qui est de plus en plus intégrée dans toute l'investigation des patients. Pourquoi on fait toute cette investigation? Tout ça pour être capable d'en arriver à une stadification. La stadification, c'est-à-dire l'étendue de la maladie dont vous allez entendre parler vos médecins, est basée sur la classification de Ann Arbor. C'est une classification qui est simple. Le stade 1, à votre extrême gauche, c'est un ganglion à un endroit dans une chaîne ganglionnaire. Le stade 2, c'est des ganglions malades à différents endroits, mais tous du même côté du diaphragme, c'est-à-dire que donc différentes chaînes ganglionnaires, mais tous dans la partie thoracique ou dans la partie abdominale. Dans le stade 3, on aura des ganglions de part et d'autre du diaphragme, c'est-à-dire autant en thoracique qu'en abdominal. Et finalement, le stade 4, c'est la présence de maladie dans un organe qui n'est pas un ganglion. Ici, ça pourrait être un poumon, ça pourrait être un foie. Donc, voici la classification, la stadification qu'on utilise de façon quotidienne pour les différents lymphomes, autant hodgkiniens que non hodgkiniens. Souvent, vous allez voir les médecins rajouter à la fin de leur stadification, donc que ce soit un stade 1, un stade 2, un stade 3, la présence de symptômes B qui correspondent aux symptômes constitutionnels dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire la présence de sudation nocturne, la présence d'une perte de poids ou de fièvre inexpliquée. Donc, quand vous parlez avec votre médecin, ce que le médecin va vous dire, c'est qu'il va vous parler du stade selon la classification dont on vient de parler. Donc, dans un cas hypothétique, un stade 2, la présence de symptômes B va être classifiée par B. Quand on n'a pas les symptômes, on dira A. Puis on peut rajouter différentes lettres selon les différents organes touchés. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Donc, on a obtenu notre diagnostic. On a obtenu la stadification. Donc, le médecin, à partir de ces informations, est capable de discuter de traitement avec son patient. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque traitement est individualisé, va être pris en compte différentes choses pour déterminer le traitement. Un, le sous-type, 2, l'étendue de la maladie, donc le stade, l'état de santé du patient. Il est certain que si on a quelqu'un qui est très, très malade, alité, on ne pourra pas penser au même genre de traitement que quelqu'un qui est capable de faire sa journée normalement. Dans l'état de santé, on va aussi parler des différentes maladies dont le patient est porteur, à l'exception de son lymphome. Quelqu'un qui a de graves problèmes cardiaques, de graves problèmes pulmonaires, ne pourra pas, dans certains cas, avoir les mêmes traitements que quelqu'un qui n'a aucun un antécédent. Et finalement, à toujours tenir compte le désir du patient. Certains patients, selon certaines situations, vont être plus ou moins enclins à recevoir différents types de traitements. Donc, c'est très important dans la discussion de toujours mentionner ce que le patient veut et du côté du médecin, en tenir compte. Donc, la chose la plus importante pour le patient et pour le médecin, c'est au moment où on parle du traitement, c'est vraiment de définir un objectif de traitement. Lorsque cet objectif-là est bien défini et bien exprimé au patient, ça évite les quiproquos et ça évite surtout des surprises en disant « ben je pensais pas, je savais pas ». Donc, moi, je dis toujours à mes patients que la visite la plus importante, c'est la visite où on s'assoit et on prend le temps de parler du diagnostic et de parler du traitement à venir et quels sont les objectifs de notre traitement. Est-ce que le traitement qui m'est offert, c'est un traitement pour guérir? Est-ce que c'est un traitement qui est simplement palliatif ou simplement pour améliorer les symptômes? Est-ce que c'est un traitement qui va améliorer ma survie? Il est bien important que ces choses-là soient claires avant de commencer, ce qui fait que chacun va pouvoir suivre le traitement et va comprendre de façon plus adéquate le traitement. Donc, la première question qui nous est souvent posée, c'est « Docteur, quelles sont mes chances de guérir? » Les docteurs ont des statistiques. Malheureusement, les statistiques donnent juste un ordre de grandeur. Ce que j'aime bien dire à mes patients, c'est que si vous avez 75 % de chances de guérir, c'est que vous avez aussi 25 % de chances, malheureusement, de pas guérir. Et si pour quelqu'un, la résultante ou le qui va arriver plus tard, c'est malheureusement de décéder de la maladie, mais ça sera pas 75 %. Pour chacun, c'est noir ou blanc. Donc, quand on demande à un médecin ou à un professionnel quelles sont mes chances, mais dans le fond, ce n'est qu'une statistique, puisque pour vous et pour la famille, pour tout le monde, ça sera du noir ou blanc. On guérit, on survit, ou on survit pas et on meurt. Donc, c'est toujours très difficile de parler de statistiques ou d'ordre de grandeur quand on a affaire à ce genre de maladie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dispose quand même d'outils qui nous permettent d'avoir une idée de qu'est-ce que sera le devenir moyen des différentes maladies. Donc, il nous est possible de calculer des différents pronostics. On va utiliser certains facteurs, donc l'âge, l'état général, certaines autres maladies et certains symptômes du patient, le stade de la maladie. Tout ça mis ensemble, il y a des index pronostiques qui ont été validés et vont nous permettre de donner une idée au patient de l'ordre du grandeur ou en tout cas les chances de s'améliorer suite à un traitement. Je vous ai donné dans les trois prochaines diapositives, les différents index qu'on se sert pour les trois maladies les plus fréquentes. Ici, vous avez l'indice pronostique des lymphomes folliculaires qu'on appelle le FLIPI, qui est un index pronostique qui est basé sur cinq points, c'est-à-dire le nombre de ganglions malades, les LDH, qui est un composé du sang, le fait d'être élevé ou bas, l'âge du patient, le stade de la maladie, la quantité d'hémoglobine dans le sang. Quand on a ou qu'on n'a pas ces différents facteurs, il nous est possible d'identifier des patients à bon, moyen ou pronostic défavorable. Comme on voit ici, quelqu'un qui aurait simplement un des facteurs pronostiques ici se retrouverait dans la portion des patients favorables. On aurait une survie à 10 ans prévue d'environ 71%. Donc, cet index-là nous permet d'avoir une idée du pronostic à long terme des patients avec lymphome folliculaire. Il existe la même chose pour le lymphome diffus à grandes cellules, donc le lymphome non-Hodgkinien, qui lui est basé sur 5 facteurs, encore une fois, donc dont un, donc les 5 facteurs étant les LDH, encore une fois, l'âge, le stade de la maladie, ce qu'on va appeler l'ECOG, c'est-à-dire la capacité, le statut de performance d'un patient. Il y a un cinquième qui est malheureusement pas apparu ici, mais c'est la présence de maladies à l'intérieur de différents organes. Donc, encore une fois, selon la quantité de ces facteurs-là que vous aurez, un pronostic pourra être attribué. Si vous avez deux facteurs ici, vous allez dans un groupe intermédiaire avec un risque de survie à 5 ans qui est de l'ordre d'environ 51%. Pour ce qui est du lymphome de Hodgkin, il existe plusieurs index pronostiques, mais comparativement au lymphome hodgkinien, le stade est un très, très bon indice du devenir. Donc, comme on peut voir, même chez les gens de stade localisé, donc de stade 1, on peut imaginer une cure là, dans le meilleur des mondes qui va entre 80-95% des cas. Même chez les gens qui ont une maladie beaucoup plus avancée, c'est-à-dire des maladies de stade 4, on pourra parler d'environ 60% de guérison. Donc, qu'est-ce que sont les modalités de traitement? Donc, on va parler des modalités classiques et des modalités nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de la chirurgie dans les lymphomes? Donc, le lymphome, ça se traite pas en chirurgie. Le seul intérêt de faire de la chirurgie, c'est pour l'obtention d'une biopsie. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller enlever chacun des morceaux malades. C'est pas comme ça qu'un lymphome se traite. Donc, on aurait l'air d'un fromage suisse parce que souvent, il y a de la maladie à divers endroits. Donc, la chirurgie sert, dans le cas des lymphomes, que pour l'obtention d'un diagnostic. Dans certains cas rares, ça pourrait être autrement, mais il faut se souvenir, donc, la chirurgie, c'est l'obtention du diagnostic et on ne guérit pas un lymphome en faisant une chirurgie. On va parler un peu de radiothérapie, qui est la plus ancienne méthode de traitement du lymphome. La radiothérapie n'égale pas nucléaire. Okay? La radiothérapie, c'est le principe, c'est d'envoyer un rayonnement, donc le rayonnement de la radioactivité, si vous voulez, dans une zone de traitement très, très, très précise. Un peu comme vous le voyez sur le petit dessin, on envoie un rayon laser, bien que la radiothérapie, ce ne sont pas des rayons laser, c'est un rayonnement sur une région, et ça nous permet de faire fondre, de brûler, de tuer la maladie dans cette région-là. Donc, se souvenez que la radiothérapie, c'est une méthode de traitement qui est locale, donc c'est-à-dire pour une région en particulier, et qui est très efficace dans le traitement des lymphomes. Donc, la radiothérapie, c'est une modalité qu'on va utiliser de façon fréquente, qui pourrait être utilisée à l'occasion en combinaison avec la chimiothérapie. Il y a différentes indications pour la radiothérapie, et ces indications varieront selon le type et le stade de la maladie. Quels sont les effets secondaires principaux? La région traitée au niveau de la radiothérapie on pourra noter un petit coup de soleil, ce qu'on appelle une radiodermite. Selon la dose utilisée, la région traitée peut être potentiellement à long terme plus à risque de développer certaines toxicités. On peut imaginer que si on traite sur un poumon, bien, malheureusement, on ne traitera pas juste le ganglion malade. Il est possible que le poumon lui-même ait une certaine toxicité, donc des complications à plus long terme. Donc, radiothérapie utilisée de façon concomitante ou de façon séquentielle avec la chimiothérapie. C'est pour un traitement local, c'est très efficace. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant de la chimiothérapie qui est souvent perçue comme étant un peu la fin du monde ou la bombe, si vous voulez, qui nous attend? Donc, la chimiothérapie est la modalité thérapeutique par excellence dans le traitement des lymphomes. La chimiothérapie a plusieurs mécanismes d'action. Ça permet de façon préférentielle de tuer l'ADN des cellules et d'entraîner le décès. On sait que nos cellules normales, les cellules non néoplasiques, sont beaucoup moins sensibles à la chimiothérapie que les cellules malades, ce qui fait que on tue la cellule malade, mais on ne tue pas nécessairement le reste du corps. Ça peut donc la chimiothérapie qui peut être donnée autant par la voie orale que par intraveineuse, contrairement à la radiothérapie, va avoir un effet qui est pas corporel. Donc, avec la chimiothérapie, on est capable de traiter toutes les régions du corps. Donc, dépendamment des agents utilisés, elles peuvent être aussi efficaces par les veines que par la bouche. Et chaque agent utilisé aura son bagage d'effets secondaires et son indication. Donc, quels sont les effets secondaires dont le patient nous parle le plus souvent? Donc, ce dont le patient le plus souvent parle, ce sont les nausées, les vomissements. que j'aime dire à mes patients, c'est que l'histoire de la personne qui se vomit l'âme pendant plusieurs mois, ça n'existe plus. Il existe de nouveaux médicaments, de bons médicaments qui nous permettent de contrôler les nausées. Malheureusement, ces médicaments-là ne sont pas efficaces à 100%, mais des gens qui vont vomir sans arrêt pendant une longue période de temps, c'est beaucoup, beaucoup plus rare que c'était, et c'est habituellement des choses qu'on est capable de contrôler avec la médication actuelle. La perte de cheveux, qui fait souvent peur aux patients aussi, qui se rend compte que dans certains types de chimiothérapie, va se présenter habituellement 3 à 4 semaines après l'administration de certains types de chimiothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, les cheveux vont repousser. Ils vont repousser normalement, bien qu'à l'occasion, on peut voir des cheveux un peu plus frisés, des cheveux un peu plus grisonnants, mais on voit jamais de cheveux bleus suite à la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, dans les autres effets secondaires principaux, on parlera de fatigue, on parlera d'infection. Il faut savoir que quand on donne de la chimiothérapie, on tue des mauvaises, mais on tue aussi des bonnes cellules, et on tue de façon préférentielle les cellules du système immunitaire, ce qui fait qu'on est plus à risque de certaines infections. Finalement, on pourra rencontrer, selon différents types de chimiothérapie, différents types de toxicité, et ça à différents organes. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant des questions qu'on me pose? Est-ce que j'ai le droit de prendre de l'alcool avec la chimiothérapie? De façon générale, il n'y a pas de contre-indication à prendre de l'alcool. La modération a toujours bien meilleur goût. Si vous prenez une cuite la journée qui suit une chimiothérapie, vous allez probablement la trouver plus dure que si vous n'aviez pas eu de chimiothérapie auparavant. Mais en pratique, un verre, c'est pas contre-indiqué. Est-ce que je peux prendre des produits naturels durant ma chimiothérapie? Il n'y a pas de contre-indication aux produits naturels, mais ce que je recommande souvent aux patients, c'est de parler des produits naturels utilisés avec le pharmacien, parce qu'il pourrait y avoir, pardon, à l'occasion, certaines interactions avec certains médicaments, et il est préférable de le savoir avant l'utilisation pour éviter les complications à long terme. Est-ce que je peux avoir des relations sexuelles pendant la chimiothérapie? Bien, mes patients partent à rire quand je leur dis ça, parce que dans le fond, ils me disent souvent, on n'a pas le goût, il y a un intérêt qui est moins important pour les relations sexuelles, mais en pratique, il n'y a pas de contre-indication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suggère durant la chimiothérapie d'utiliser des méthodes de contraception parce que la chimiothérapie et la fécondation vont pas de pair. Donc, mais en pratique, il n'y a pas de contre-indication. On dit aussi aux patients, et ce, juste d'un point de vue théorique, de faire attention dans les jours entourant le moment où on est la chimiothérapie parce que certaines chimiothérapies pourraient de façon théorique, être sécrétée au niveau de certains fluides du corps. Qu'est-ce qui en arrive avec mes cheveux? Bon, on l'a dit tout à l'heure, 3 à 4 semaines avant de tomber, et normalement, ça repousse. Est-ce que je peux faire de l'exercice? Oui, on peut faire de l'exercice, mais il est certain qu'il y a une certaine fatigue qui peut s'accumuler, et ce qui est recommandé aux patients, c'est de faire selon sa tolérance. Donc, si quelqu'un est capable de courir 2 km, mais il court 2 km, pour d'autres, ça sera moins. Donc, il faut vraiment y aller selon sa tolérance et essayer de pas se fatiguer à un point tel que ça pourrait compromettre la réalisation du traitement. Qu'est-ce qu'il y en est pour le travail? C'est un peu la même chose. Le travail, en soi, c'est pas contre-indiqué, mais ça peut nous rendre plus fatigués, ça peut nous rendre plus susceptibles d'être entré en contact avec certaines infections, ce qui fait qu'il faut faire attention. Il n'y a pas de contre-indication absolue. De façon générale, moi, je recommande à mes patients de ne pas travailler durant la chimiothérapie afin de pouvoir se concentrer sur le traitement. Finalement, est-ce qu'il y a une diète particulière? Non, il n'y a pas de diète particulière, mais on demande aux patients souvent de faire attention à tout ce qui est des produits avec des contaminations potentielles bactériennes. On pensera ici à certains fromages de lait cru, aux sushis. Donc, c'est peut-être pas le temps d'avoir les plus grandes aventures alimentaires là, durant vos traitements. Donc, il y a une nouvelle forme de traitement qui est apparue récemment, qui est l'immunothérapie, qu'on rencontre tout particulièrement chez les gens qui reçoivent, qui sont traités pour des lymphomes non Hodgkiniens. Cette nouvelle forme de traitement dont le premier spécimen a été le rituximab, qui est un anticorps. Donc, ce sont des thérapies qui sont intelligentes. Contrairement à la chimiothérapie, elles visent de façon spécifique la maladie et ne causent pas de problème sur les autres cellules au pourtour. Donc, l'avantage, on utilise ces anticorps-là, donc ici, dans le cas des lymphomes de Hodgkin, le rituximab, qui est un anticorps qui va reconnaître le CD20, qui est une particule sur le dessus des cellules cancéreuses. Et donc, on injecte cet anticorps par les veines et l'anticorps va aller se fixer simplement sur la cellule malade. L'avantage de cette thérapie-là, encore une fois, c'est que c'est une thérapie qui est spécifique à la cellule malade et qui aura peu ou pas d'effets secondaires sur les autres cellules. Donc, qu'est-ce qui en est du traitement global? Vous allez voir sur les trois prochaines diapositives, je vous parle du traitement de chimiothérapie qu'on utilise le plus fréquemment au Québec pour les trois lymphomes principaux. Donc, vous avez pour les lymphomes agressifs, dont on parlait tout à l'heure, du lymphome diffus à grande cellule B, la chimiothérapie utilisée de façon préférentielle au Québec et au Canada s'appelle le R-CHOP, qui est une combinaison de rituximab avec quatre agents, c'est-à-dire la cyclophosphamide, la dégamicine, l'oncovin et la prednisone. L'objectif de traitement, encore une fois, c'est la cure. C'est une chimiothérapie puis qui se répète à tous les trois semaines et qu'on peut faire jusqu'à 8 traitements. Pour ce qui est des lymphomes indolents, lymphomes folliculaires, comme je disais tout à l'heure, lymphome folliculaire, l'objectif de traitement, c'est d'induire une rémission. C'est malheureusement pas une maladie qui est curable, mais pour laquelle le traitement a comme objectif de diminuer les symptômes reliés à la maladie et d'améliorer la survie. Dans ce type de lymphome-là, ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez une maladie qui vous cause pas de problème, qui n'a pas de gros ganglions, il peut être décidé de même de ne pas traiter. Il n'y a pas nécessairement d'avantage à traiter rapidement cette maladie-là, puisque le traitement a peu d'influence sur le devenir à long terme. La chimiothérapie le plus fréquemment utilisée est le R-CHOP. Ici au Québec, c'est une combinaison donc du même rituximab avec la cyclophosphamide, l'oncovin et la prednisone. C'est une chimiothérapie qui se fait aussi aux 3 semaines et qu'on peut faire pour 3 à 8 fois. Finalement, donc encore une fois, très, très, très important, dans les lymphomes indolents, on ne traitera que les patients qui auront des symptômes ou qui ont des répercussions de la maladie. Étant donné que nos traitements ne guérissent pas, le traitement est là pour améliorer la qualité de vie patient et améliorer son devenir à long terme. Donc, on traitera dans les patients qui ont des lymphomes indolents que les gens qui ont des symptômes constitutionnels, des anomalies des prises de sang, de la formule sanguine qui sont reliées au lymphome, de très, très gros ganglions ou des ganglions qui sont mal localisés, qui sont douloureux. Donc, quelqu'un qui aura ce type de maladie, mais sans symptômes ou sans répercussions, il est de mise actuellement au Québec d'attendre avant de traiter, puisque si on est capable de se permettre comme ça d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sans être obligé de traiter, bien, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sans traitement. Et ce qui fait que c'est utile pour la qualité de vie du patient. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a pour le lymphome de Hodgkin? Encore une fois, l'objectif de traitement, c'est la cure, la chimiothérapie la plus fréquemment utilisée au Québec, et l'ABVD, qui est une combinaison d'adriamycine, bléobicine, vinblastine, dacarbazine. C'est une chimiothérapie qui se fait à toutes les 2 semaines, puis qu'on va donner pour 8 à 16 fois. Il y a d'autres modalités thérapeutiques qui sont, je dirais, moins fréquentes, mais qui méritent d'être mentionnées. Une de ces modalités est la radioimmunothérapie, donc qui est une nouvelle manière, si on veut, d'administrer de la radiothérapie. Donc, on prend nos mêmes anticorps dont on s'est servi dans l'immunothérapie, et cette fois-là, on leur ajoute une petite particule radioactive. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet d'aller porter la radiothérapie au niveau de la maladie. Donc, encore une fois, on injecte l'anticorps radiomarqué. Il va aller se fixer sur la tumeur de façon préférentielle parce qu'on a l'anticorps. Et là, le rayonnement, comme dans le dessin que vous voyez ici, va nous permettre de viser de façon plus particulière les cellules malades. Ce type de traitement-là est utilisé, entre autres, chez les lymphomes non-Hodgkiniens, indolents, donc dans les lymphomes folliculaires multirécidulants, on pourra avoir recours à ce type traitement. La radio-immunothérapie, actuellement, au Québec, il existe 2 médicaments disponibles, le Bexar et le Zévalin, qui sont 2 anticorps avec une particule de radiothérapie. Encore une fois, il s'agit de l'indication, ce sont les lymphomes indolents multirécidivants. De façon générale, c'est des traitements qui sont bien tolérés. Ils sont administrés dans des centres où on peut avoir un suivi là, pour ce qui est de la radioactivité dégagée par ces anticorps-là. Finalement, on ne peut pas parler de traitement de lymphome sans parler de greffe de cellules souches. Donc, il existe deux genres de greffe. Il y a ce qu'on appelle l'autogreffe et l'allogreffe. La différence entre les deux est la provenance du greffon. Dans l'autogreffe, on se sert des cellules souches du patient lui-même, tandis que dans l'allogreffe, on se sert des cellules souches d'un autre individu. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de l'autogreffe? Donc, encore une fois, le greffon qui va être donné au patient vient de ses propres cellules. Donc, l'avantage, pas de danger de rejet, étant donné que le corps reconnaît ses propres cellules. L'autogreffe est un moyen qu'on s'est donné de donner une chimiothérapie à très, très, très forte dose. Le fait de donner un greffon va nous permettre de reconstituer la moelle de façon plus rapide suivant l'administration de cette chimiothérapie à haute dose. Il y a trois indications reconnues, mais deux principales, c'est-à-dire le traitement des lymphomes agressifs comme le lymphome diffus à grande cellule dans le cas d'une maladie récidivante et le myélome multiple. L'autogreffe, dépendamment d'où vous êtes, peut être aussi utilisé dans certains lymphomes non-Hodgkiniens indolents. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant de l'allogreffe? C'est souvent une thérapie dans les lymphomes qui est un peu en dernier recours. Donc, on se sert, encore une fois, d'un greffon qui provient d'un autre individu. On utilise, il y a maintenant deux modalités de l'allogreffe. Il y a une allogreffe qu'on dit de forte intensité, de plus faible intensité. Et selon la modalité utilisée, on va pouvoir s'adresser à différents types de personnes. L'allogreffe ne pratique pas n'importe où au Québec. Il y a différents centres qui le font. À Montréal, vous avez le réseau McGill, l'hôpital juif et donc le réseau McGill et Maisonneuve-Rosemont qui font de l'allogreffe. Et à Québec, vous avez aussi des centres qui font de l'allogreffe. L'allogreffe est une modalité qu'on utilise souvent en dernier recours, une fois qu'on a épuisé les autres modalités thérapeutiques. Les effets secondaires sont différents. On va avoir, entre autres, des effets relatifs à la maladie du greffon, donc il y a le greffon qui réagit contre l'autre. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle la GVH et aussi les risques de rejet. Donc, c'est une modalité qui est beaucoup moins utilisée dans les lymphomes non-Hodgkiniens, mais qui a quand même une certaine place qui peut être très intéressante pour les parents. Les patients. Donc, on a presque terminé. Donc, je veux juste mentionner aussi que dépendamment des centres où vous serez, où les gens sont traités, on pourra vous offrir éventuellement certains de participer à des études cliniques ou à certains traitements expérimentaux. Un peu comme le dessin, est-ce que je suis un cobaye quand je participe à ça? Puis dans le fond, pourquoi je participerai à ça? Donc, les études cliniques, c'est le seul moyen qu'on dispose actuellement pour développer de nouveaux médicaments. Parce que, justement, la recherche clinique est encadrée par des règlements qui ne nous permettent pas de donner n'importe quoi à n'importe qui. Avant qu'un nouveau médicament, je vous parlais tout à l'heure de rituximab, de Dexor, ou les anciennes chimiothérapies qu'on donne, ont pu arriver sur le marché, ces médicaments-là ont dû passer à travers différentes étapes de recherche clinique. Et sans les patients qui ont participé à ces études-là, il y a 5, 10, 15 ans, on ne pourrait pas avoir ces nouveaux médicaments-là. Donc, il existe deux types de protocoles auxquels éventuellement les patients peuvent participer. Il existe ce qu'on appelle les études randomisées, où on compare un traitement dit standard avec un nouveau traitement qu'on pense plus efficace. Et il existe aussi des protocoles où on utilisera des nouveaux médicaments. Habituellement, ce genre de protocole sont offerts à des gens qui ont des maladies plus avancées ou pour lesquelles il y a moins d'alternatives thérapeutiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais aucune obligation de participer à ces études-là. C'est fait sur une base volontaire et chaque personne est libre d'y participer. Pourquoi je participerais? Ben, c'est simple. Il y a certains avantages et certains désavantages. Je pense que de participer à une étude clinique, c'est surtout, on le fait dans le fond pour nous, mais on le fait aussi pour la société en général. C'est-à-dire qu'on aide à développer ces nouveaux médicaments-là. Il y a des gens qui ont participé à des études il y a 5 ans, qui nous permettent de donner des nouveaux médicaments aujourd'hui. Et sans la participation de gens aujourd'hui à ces études-là, on ne pourra pas avoir des nouveaux médicaments dans 1, 2, 4, 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les avantages, il y a une accessibilité à certains nouveaux traitements. Il y a une accessibilité à ces traitements chez des gens qui, des fois, n'auraient pas d'autres alternatives de traitement. On est suivi aussi par une infirmière de recherche qui souvent nous suit de façon plus proche. C'est des avantages, mais quand on participe à un protocole de recherche, on a un peu moins de flexibilité puisque ce qui est régi par le protocole nous est un peu... il faut suivre un cadre très particulier. Mais encore une fois, pourquoi on doit participer à un protocole de recherche? Si ça intéresse les gens, c'est souvent pour permettre de faire avancer la science, pour permettre le développement de nouveaux médicaments, puis permettre d'avoir un horizon là qui va s'embellir dans le traitement de ces maladies-là. Donc, je terminerai, et on pourra prendre les questions par la suite. Parfait. Je terminerai en vous disant que donc les lymphomes, c'est une multitude de maladies pour lesquelles, actuellement, il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup de ces lymphomes-là qui sont curables. Même dans les lymphomes non curables, on a beaucoup de nouvelles alternatives de traitement. Donc, je pense que c'est très intéressant pour le médecin parce qu'il y a de plus en plus de choses qu'il pourra offrir à ses patients. Ce qui est important de se souvenir, c'est que le traitement doit être individualisé en fonction du patient, de la maladie et du stade. Ce qui est le plus important de la part du patient, de sa famille, c'est toujours de s'informer. OK? Souvent, le contexte des cliniques externes ne nous permet pas. On a l'impression que les choses doivent être faites rapides. Les médecins, les infirmières, les professionnels sont surchargés. Mais je pense que si on pose des questions, il est certain que les différents professionnels de la santé vont vous répondre. Il ne faut pas être gêné de poser ces questions-là. Souvent, ça peut. On est gêné, mais il ne faut pas l'être. Je pense que chacun des professionnels va être très, très, très heureux de répondre à vos questions. Puis il faut trouver, autant pour la famille que pour le patient, des moyens d'obtenir de l'information sur votre maladie. À cet effet-là, vous avez différents moyens, mais je vous invite tout particulièrement à regarder les différents feuillets qui sont disponibles et qui sont fournis par la société dont leucémie lymphome. Vous avez les feuillets sur la maladie de Hodgkin et sur la maladie sur le lymphome de non-Hodgkin. Ce sont des feuillets qui sont destinés aux patients et à leur famille. Et je peux vous dire que ces feuillets-là sont très, très, très bien faits. Ils vous donnent de façon différente un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui. Vous allez avoir aussi des adresses Internet, parce que c'est pas toute l'information sur Internet qui est valable et qui est utile. Il y a différentes choses qui ne sont pas nécessairement toujours vraies sur Internet. Vous allez avoir des adresses sur lesquelles vous pouvez vous fier. Vous allez avoir donc une source d'information à l'intérieur de ces documents-là là, qui est très, très, très intéressante, qui complète bien l'information que vous allez aller chercher auprès des médecins auprès des différents professionnels. Donc, encore une fois, ceci va clore la conférence comme telle. Je vous remercie. Maintenant, on me dit qu'il y a maintenant différentes questions auxquelles je vais tenter de répondre. Donc, je vais vous donner la question à la Lisa et tenter de répondre à ces questions. Et il y aura un commentaire par la suite là, qui va vous être fait ou on verra selon le temps qui nous reste. Donc, la première question qui m'est posée est est-ce qu'en présence d'un lymphome folliculaire de grade 2 de stade 4, quel est l'avantage de suivre seulement et de ne pas traiter, étant donné que le patient n'est pas malade? Est-ce que la maladie peut, et on me demande, est-ce que la maladie peut régresser d'elle-même? Donc, ça, on en a parlé déjà un peu durant la conférence. Donc, les lymphomes folliculaires, qui est un lymphome indolent, qui est un lymphome pour lequel, malheureusement, les traitements ne sont pas curatifs. L'objectif du traitement est vraiment d'induire une rémission, de pallier aux symptômes, et d'essayer d'améliorer la condition du patient. Effectivement, quand un patient n'est pas malade et est atteint ce type de lymphome, on peut se permettre d'observer et de ne pas traiter. En anglais, ils vont appeler ça le « watch and wait », c'est-à-dire que le patient est revu à intervalles réguliers par son médecin, et le médecin ne le traitera qu'au moment où il y aura apparition de symptômes. Pourquoi on fait ça? sont bons, induisent des rémissions, et pour l'instant, on n'a jamais montré que de traiter de façon plus précoce permettait d'obtenir un devenir à long terme. Donc, oui, il est possible d'observer, et habituellement, ça a peu d'impact sur le pronostic à long terme. Ce qu'on espère, par ailleurs, c'est qu'avec les nouveaux médicaments, ceci changera peut-être, mais pour l'instant, il est encore tout à fait acceptable de ne pas traiter un patient qui n'a pas de symptômes avec un lymphome folliculaire. Maintenant, est-ce que la maladie peut régresser d'elle-même? Oui, effectivement, la maladie peut fluctuer dans le temps. On peut avoir des ganglions qui augmentent, qui diminuent de façon spontanée. Et il faut voir ça plus au long cours, mais il existe effectivement des maladies qui peuvent régresser sans, par ailleurs, tout à fait disparaître complètement. La deuxième question se lit comme suit. J'ai eu une greffe de moelle osseuse en 2005 pour une LLC. En 2007, un ganglion est apparu dans l'abdomen. Nous envisageons une deuxième greffe car les traitements n'en viennent pas à bout. Les dangers et ou développement du ganglion leucémique. Première chose, j'ai pas l'information à savoir s'il s'agit d'une autogreffe ou d'une allogreffe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la greffe, que ce soit une allo ou une auto dans la LLC, le fait d'avoir une greffe ne veut pas nécessairement dire une guérison. Je pense que j'ai pas assez d'informations ici pour répondre de façon spécifique à la question. Et je pense qu'il est important, après une greffe, si on a des ganglions qui réapparaissent, de s'assurer que la maladie est la même. Et là, il faut voir de façon spécifique avec chaque patient quelles sont les modalités qui sont disponibles suite à une allogreffe. Donc, malheureusement, j'ai pas assez d'informations pour répondre de façon spécifique à ce cas-là, mais je pense que je vous suggère d'en discuter avec votre médecin. La troisième question, qu'est-ce qu'un lymphome comparativement aux autres cancers? Comment il se développe et le diagnostic? Donc, ça fait référence, cette question-là, un peu à ce que je vous disais initialement. Donc, le lymphome, c'est la tumeur du lymphocyte. Le lymphocyte est un globule blanc. Un lymphocyte qui peut être un peu partout dans le corps, dans différents organes. Donc, comparativement à une tumeur du sein où la cellule vient du sein, le lymphome peut se produire un peu partout dans le corps. Le lymphome, souvent, quand on parlera de tumeurs solides, donc c'est toutes les tumeurs d'organes solides, comparativement au lymphome, aux maladies du sang, où on va appeler ça une tumeur liquide. Comment elle se développe? Bien, il y a des facteurs de risque, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Pour le lymphome, les facteurs de risque principaux étant certaines maladies, certaines infections, le fait d'être immunosupprimé. Pardon. Les facteurs de risque des différentes tumeurs vont dépendre du sous-type de tumeur. La quatrième question, le myélome multiple est-il un lymphome? La réponse, non. Le myélome multiple est une tumeur des plasmocytes qui est dans le fond une espèce de lymphocyte qui a grandi mais qui, de façon spécifique comparativement au lymphome, s'attaque à la moelle osseuse. Le myélome fait partie des tumeurs hématologiques, c'est-à-dire qu'il fait partie des tumeurs du sang au même titre que le lymphome ou la leucémie. Mais le myélome ne fait pas partie des lymphomes comme tel. La question numéro 5. Comment ont été trouvées les causes de cancer résultant de facteurs environnementaux comme les pesticides, la pollution, et devrait-on faire plus de pression sur les intervenants qui amènent ou causent ces facteurs? À vrai dire, il est très, très, très difficile de mettre en cause des facteurs environnementaux. Habituellement, c'est des études qui vont être faites sur des populations où on va tenter de comparer des populations qui ont été exposées à un facteur et des populations qui n'ont pas été exposées à ce même facteur. Et à partir de ça, on essaie de voir s'il y a une différence entre le fait d'avoir été exposé et le fait de ne pas avoir été exposé. Et habituellement, donc dans certains cas, on va être capable d'identifier certains facteurs spécifiques. Donc des facteurs environnementaux, que ce soit des facteurs reliés au travail, des facteurs reliés à la population, à la pollution. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant de faire plus de pression sur les groupes qui amènent? Je pense que oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours devant le dilemme de l'industrialisation versus l'exposition. Et je pense que pour les facteurs qui sont reconnus, certains pesticides, certains produits chimiques, il y a déjà eu des pressions qui ont été faites à cet effet-là. Et je pense que les pressions face à ces aux pollueurs on s'inscrive un peu, si vous voulez, dans l'état actuel des choses ou essayer d'avoir une pensée plus verte. Et donc je pense que tout ça est très d'actualité et c'est quelque chose là qui est en développement. La question numéro 6, on me demande si la greffe de moelle osseuse est un traitement. La réponse, c'est que c'est oui. Encore une fois, il existe des allogreffes et des autogreffes. Pour l'autogreffe, les indications qui sont reconnues, c'est le traitement de lymphome agressif récidivant. Certains centres vont pratiquer l'autogreffe aussi dans le lymphome indolent. Certains lymphomes du manteau aussi pourront être traités comme ça, et les myélomes multiples. L'allogreffe, comme je vous disais tout à l'heure, est utilisée dans certains types de lymphomes en dernier recours. Dans les autres questions, il y en a un, on dit, le CAN peut-il être fait chez les patients diabétiques insulinodépendants? C'est une bonne question, effectivement, parce qu'on utilise du sucre avec une molécule radioactive. Donc, en pratique, c'est pas une contre-indication absolue. Il existe des protocoles dans les différents endroits où on fait de l'imagerie par CAT scan pour les patients diabétiques. Là, faut voir avec qui vous faites affaire à ce moment-là. Mais en pratique, c'est pas une contre-indication absolue. Mais il est certain que ça rend l'examen beaucoup plus difficile d'interprétation. Mais ça, je vous cacherai pas que ce sont les nucléistes qui gèrent les différents appareils de CAT scan qui pourraient répondre mieux à cette question-là. Je terminerai avec une question sur les études cliniques. Comment peut-on participer à une étude clinique si notre médecin traitant n'en propose pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que les études cliniques ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les centres. Les études cliniques, il est possible que dans certains centres, il n'y ait malheureusement pas d'études cliniques. Ce qui peut être fait à ce moment-là, vous pouvez en parler avec votre médecin. Si le centre où vous êtes traité, où la personne que vous accompagnez est traitée, ne dispose pas d'études cliniques, ben vous pouvez poser la question au médecin au médecin traitant. Et ce qui peut être fait à l'occasion, c'est des références pour certains protocoles particulier. Donc, pour ce qui est de la dernière question, est-ce qu'il y a des médecins qui favorisent plus un traitement qu'un autre? Exemple, la greffe de moelle versus pas de greffe de moelle. La réponse, c'est que oui. Les traitements dont je vous ai parlé aujourd'hui sont des traitements que je vous dirais que la majorité des gens utilisent, mais il existe différentes alternatives. C'est-à-dire que une chimiothérapie, quelqu'un pourrait recevoir un type de chimiothérapie avec un médecin et recevoir un autre avec un autre médecin. Donc, il y a certains standards qui, de façon générale, sont respectés par les médecins, mais il peut y avoir une certaine variabilité. Pour ce qui est de la greffe de moelle, il y a des centres qui font de la greffe de moelle et d'autres pas. Donc, la référence pour une greffe peut dépendre effectivement de l'endroit où vous êtes. Il existe une certaine controverse quant à la réalisation de l'allogreffe de moelle. Il y a des médecins qui y croient un peu moins, il y a des médecins qui y croient plus. Je pense que ce qui est important, c'est de poser les questions et d'être référé si éventuellement vous pensez que peut-être ça pourrait être une alternative qui n'a pas été considérée. Je pense que de façon générale, les médecins sont très ouverts à discuter de traitement avec leurs patients, mais que, encore une fois, dépendamment de l'endroit où vous êtes, les traitements peuvent varier. Finalement, J'ai une dernière question qui apparaît. C'est la question qu'on m'avait posée tout à l'heure sur le patient avec qui avait une leucémie lymphoïde chronique, qui a une allogreffe de moelle en 2005, et chez qui on a retrouvé un ganglion. La question qui m'est posée, est-ce qu'un ganglion abdominal, étant donné qu'un ganglion abdominal est apparu et que les traitements de chimio n'ont pas réussi à le faire disparaître, serait-ce une possibilité qu'il disparaisse de lui-même ou peut-il rester stable sans autre traitement? Écoutez, encore une fois, quelqu'un qui a une récidive après une allogreffe de moelle, il est certain que ce ne sont pas des bonnes nouvelles dues au fait de la récidive, mais de façon générale, est-ce que c'est possible que le ganglion disparaisse de lui-même? Ça peut toujours arriver, il n'y a rien d'impossible, mais la probabilité est quand même que si la maladie est revenue après une allogreffe, c'est qu'elle va probablement à court moyen terme réaugmenter. Est-ce qu'elle peut rester stable sans traitement? Oui, comme certains lymphomes, comme certaines leucémies lymphoïdes chroniques peuvent avoir une certaine phase indolente. Effectivement, on peut imaginer que la maladie va rester stable pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'il en est de la survie de façon plus spécifique? Ça m'est difficile de dire étant donné là que on parle ici d'une récidive post-allogreffe. Je suis pas un expert en allogreffe et il y a différentes alternatives qui peuvent être utilisées à l'occasion chez les gens qui ont eu des allogreffes. Et ici, je m'avancerai pas étant donné que c'est vraiment très très très très pointu comme question. Donc simplement ce que je dirais, c'est qu'à l'occasion des maladies qui récidivent post-greffe peuvent rester stables pendant un certain temps, mais malheureusement elles peuvent évoluer. Et je pense que les questions qui me sont posées ici devraient être posées directement au médecin traitant. Je vous remercie, docteur Lemieux, pour une conférence vraiment extraordinaire et bien informative. Je remercie aussi Roche. La compagnie Roche pour la subvention non restrictive. Et je veux seulement terminer en vous signalant que cette conférence sera archivée durant une année. Donc, vous pourrez, dans quelques jours, elle sera archivée. Vous pourrez la réentendre autant de fois que vous le désirez. Si il y a des aspects que vous avez, qui vous ont échappé, que vous aimeriez réentendre, vous n'aurez qu'à reconnecter sur le même lien et elle sera disponible jusqu'au 16 novembre 2010. Donc, je vous remercie beaucoup et bonsoir.